Bonjour, bonjour, la Gironde. Ceci est le syndrome de la parole que nous retransmettons depuis Radio Picard sur le 96.6 de la FM. Ceci est le syndrome de la parole. Tout le jour, mon cœur va chavirer, chancelle, c'est l'amour qui vient avec je ne sais quoi. C'est l'amour, bonjour, bonjour les demoiselles, y'a de la joie partout, y'a de la sainte joie.